J'ai perdu mon travail. Enfin, je l'ai pas perdu. C'est lui qui m'a perdu. Il paraît que je suis suréduqué, sous-qualifié. À moins que ce soit le contraire, j'ai oublié. Je suis obsolète. Je ne suis pas économiquement viable. Let's go. qu'il aurait été trop tard pour faire marche arrière. Vous auriez retourné l'arme contre vous. Allez, venez, on va voir des policiers très sympas. Ils sont gentils comme tout, vous verrez.